Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On commence في هذا اليوم un nouveau cours, l'étude d'une nouvelle Risala. Et on a choisi le livre de l'Allama Sheikh Abdussalam ibn Barjas, rahmatullah alayhi. Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajib Lil Imam. Une Risala, Mukhtasara Nafi'a, dans un sujet très très important. Et concernant les gouverneurs, les dirigeants. Cheikh Abdussalam, il a écrit plusieurs ouvrages fi hadha al-bab, dont un célèbre qu'il a résumé huna, et on a choisi de lire le résumé limadha li'anna al-asl il est assez long, et alhamdoulillah, celui qui a compris le résumé fa fihi khayr azim. Et on conseille à nos frères de revenir au asl fa fihi fawaid kathira. Et pendant le durant ces cours, inshallah ta'ala, on profitera du asl et de l'original pour citer certaines preuves qui ne sont pas citées ici, certaines paroles d'imam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadat. Qala rahimahullah ta'ala. Et comme d'habitude, on conseille à nos frères, à ceux qui nous écoutent, d'avoir le livre sous les yeux, ala al-aqal, en format PDF. Pour celui qui n'a pas le livre, enfin, suivre le livre, c'est muhim. Surtout cette méthode qu'on a choisie et qu'on fait ensemble, où on nas'alou Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa at-thabat, en suivant, tu vas beaucoup profiter en arabe. Même si tu as du mal à lire, même si tu as du mal. Mais celui qui ne connaît pas les lettres et qui ne sait pas du tout lire, enfin, ça peut être assez compliqué. Lakin, celui qui a un minimum, qui sait déchiffrer, qui connaît les lettres, qui commence à lire, enfin, en suivant à la lecture, c'est yestefid kethiron. Dans la prononciation, en apprenant des nouveaux mots. C'est la méthode des salafs. Annahum, quand ils assistaient à un cours, ils avaient le support. C'est du ilm, mais on doit donner de l'importance au ilm. Essayer d'être dans un endroit calme. Écouter, avoir le livre, prendre des notes. لماذا لأن celui qui donne de l'importance au ilm, كما قال بعض السلف, celui qui donne toute son nafs au ilm, فالعلم lui donnera une petite partie de lui. هذا c'est مهم. أن un cours c'est un cours. لماذا لأن أحيانا on a un rendez-vous مثلا pour une chose de dunya et on se prépare. On se prépare niveau apparence. On doit être à l'heure. Ce rendez-vous, tu écoutes, tu ne coupes pas la parole. Il a khiré. Pour quelque chose de dunya. Et pour l'ilm, on doit avoir mitl hada ou akthar. Pourquoi? Parce qu'on va étudier des versets du Coran al-Karim, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, donner de l'importance à hada l'ilm, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera. Et probablement c'est une cause pour qu'Allah t'ouvre les portes. Ama écouter le dars à moitié, thumma en même temps parler avec un autre, ou des messages, thumma la moindre chose, on se lève, on change de pièce, il profitera pas comme celui qui fait des efforts et celui qui est concentré. Enfin, même si c'est des dros en ligne, la bud min adab, des adab fil ilm, qu'on a déjà étudié dans plusieurs rasa'il. Fa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq lil jami'. Qala rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa hadhihi risalatun ikhtasartu aghlabaha min kitabi Mu'amalatul hukam fi dhaw' al-kitabi was sunnah. Ce livre c'est une référence. Athna على هذا الكتاب جمع من العلماء. Et parmi les savants qui ont conseillé de lire ce livre, العلامة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. Et comment se comporter avec les dirigeants, avec les gouverneurs, à la lumière du Coran et de la Sunna. C'est un asl tayyib dans ce bab. C'est parmi les meilleurs ouvrages qui ont été écrits dans ce sujet. Ça a été simplifié au niveau at-tartib, comment il a été écrit. Il est très très simple, même pour les débutants. Et al-Sheikh, rahmatullah alayh, il est décédé en 1425, chez Abdussalam. Il était très jeune, il est mort dans un accident de voiture, alayhi rahmatullah, min mashayikh wa ulama al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya. Il a khtassar son propre livre, il a résumé son propre livre. Qal ijtahadtu fi ikhtisariha liyashula hamluha wa yakthura qari'uha. Na'am. Deux raisons pourquoi il a simplifié. Awlan, pour que ce livre il soit plus facile à transporter, à propager. Et ثانياً, pour que ça encourage plus de gens à le lire. للأسف, on vit à une époque où les livres assez longs, encore plus les livres en plusieurs volumes, beaucoup de gens ils ne lisent plus. ضعفت الهمم, contrairement à la période à l'époque des salafs, ils avaient une himma azima aliya. Mais à notre époque, c'est l'époque du ضعف. De la faiblesse dans l'ilm et dans beaucoup de choses. فَلِهَذَا الْعُلَمَا يَخْتَصِرُونَ. Ils donnent de l'importance à l'ikhtisar. Et ça, c'est une faïda pour nous. C'est pas tout le monde qui va écouter مثلاً, tous ces cours. C'est pas tout le monde qui va... On vit à une époque, nous, et encore plus dans certains endroits, même cette risale de... La nusra que j'ai, c'est 60 pages. 60 pages, c'est devenu extrêmement long pour certains. كَذَلِكَ لِدُرُوز. Si tu dépasses... 5-10 minutes, c'est trop long. Enfin, on doit propager هذا العلم. On doit propager هذا العلم et simplifier aux autres leur résumé. S'ils n'écoutent pas, leur résumé, l'essentiel. Et la Allah, c'est une cause pour que ça les motive et ils reviennent à la source. قال إذ الاطلاع على مسائل هذا الموضوع محل اهتمام المسلم الذي يريد لقاء الله على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. C'est un sujet très très important. Ça fait partie des fondements de la croyance du musulman. C'est pour ça que dans chaque livre de aqida, il y a un bab في ما يتعلق بولاة الأمور بالحكام. Que ça soit dans l'Wasitiyya, dans Tahawiyya, dans l'Umat al-I'tiqad, dans les gros livre كذلك في باب المعتقد كذلك كتاب الشريعة كتاب الإبانة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة n'importe quel livre في باب العقيدة العلماء يذكرون هذا الباب. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la croyance du muslim. Et le muslim, il faut qu'il ait de la inaya, il donne de l'importance. لأن tu es un muslim, pourquoi? Parce que tu as cette foi de muslim. هذا الإيمان. ومن الإيمان, c'est savoir le haq, les droits que les gouverneurs ils ont sur nous. Quel comportement on doit avoir avec notre gouverneur, avec les gouverneurs. C'est pour ça que al-ulama comme قال, ils ont eu هذا الاهتمام, ils ont donné de l'importance à ce sujet. قال ومن تأمل التاريخ علم أن أكثر مصائب المسلمين إنما هي من جراء التفريط فيما قرره الشرع المطهر في هذا الباب الخطير. Celui qui a étudié l'histoire de notre communauté, il se rendra très vite compte la plupart des épreuves qui ont touché notre umma, notre communauté, c'est par rapport à ce point. Ça a commencé quand Al-Khawarij Al-Dullal Kilab Al-Nar comme wassafahum Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont révoltés, rebellés contre Uthman et ils l'ont assassiné injustement radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ça a commencé minhuna jusqu'à notre époque. Il y a quelques années, ce qu'ils appellent le printemps arabe, une fitna azima qui a touché la umma, l'umma islamia, les pays musulmans. Limadha li'anna ce point essentiel. Falihadha, on ne doit pas se lasser On doit connaître ce sujet avec les preuves min al-Qur'an al-Karim, avec des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les propager autour de nous. Kam min an-nas zallu wa anharafu wa zaghu dans ce chapitre. Kam min an-nas, ils pensent avoir compris et la moindre choubha à cause de mauvaises fréquentations, à cause de certains débats, certaines polémiques, du jour au lendemain, tu les trouves yat'anoun fi ulati al-umur. Après les avoir critiqués. Na'am, yat'anoun fi ulati al-umur, alors que au départ plutôt ils ne les critiquaient pas. Fa limadha? Limadha? Li'anna une des causes c'est ad-da'f, la faiblesse dans l'étude de ces points, de la aqida en général et de ce point. Et celui qui a étudié Kutub al-Aqida, alhamdulillah, il aura étudié ce chapitre. Qala wa man ta'ammala at-tarikh علم أن أكثر مصائب المسلمين إنما هي من جراء التفريط فيما قرره الشرع المطهر. التفريط. Un homme ne donne pas d'importance. Ils ont des faiblesses, un manquement dans ce point. Il y en a, tout le monde parle concernant les gouverneurs. Tout le monde. Lakin, l'essentiel c'est le Coran al-Karim. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné? Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné? Hatta tu suis al-mahajjata al-bayda. Tu ne suis pas mudhillat al-ahwa. Tu ne suis pas les avis. Un il va te dire il faut faire, l'autre il va te dire il ne faut pas faire. Là, c'est du din. Et notre din il est fondé sur al-Qur'an al-Karim et la sunna du prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Notre din il est fondé sur la voix des compagnons radiyallahu anhum. Qala قال أسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم وأمنهم وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم على الحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله en 1422 3 ans avant sa mort عليه رحمة الله. Si on revient à l'original, أي معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة في المقدمة بل أبخي المقدمة في التمهيد إلى السيتة دي مسائل مهمة qu'on peut lire, des points importants. قال رحمه الله لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة. Al-Salaf donnait beaucoup d'importance à ce sujet. Surtout quand Al-Fitna elle commençait à apparaître. Surtout quand les gens ils commencent à avoir des faiblesses via ça. Surtout quand Ahlul Ahwa wa Dhalal, min al-Khawarij wa al-Takfiriyin, ils propagent leur Shubha. Enfin, combien de musulmans, si tu prends la masse, Al-Awam, et كثير من الناس, ils ont des problèmes via ça. Tu trouves que كثير من الناس ils ne savent pas le haq que wali l'amr il a sur eux. Ils ne savent pas comment ils doivent se comporter avec le gouverneur. Et جميع الفرق جميع الفرق كما قال ايوب وغيره من ائمه السنه ان من انحرف استحل السيف. N'y a aucun doute في هذا. من انحرف او كما قال استحل السيف. Tous ceux qui s'égarent, tous les groupes, toutes les sectes, ils se sont égarés fi hadha al-bab. Al-Khawarij c'est clair, Al-Rawafid c'est clair, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila كذلك. Tu peux trouver même certains groupes, بعض الناس ils peuvent penser en apparence annahum ils sont calmes, annahum ils se révoltent pas, annahum ils se rebellent pas, comme As-Sufiyya, comme Jama'at al-Tabligh à notre époque. Wallahi anna siya, une rébellion, une fitna dans un pays musulman, tu les trouveras, ils feront partie de ceux qui se rebellent. À quel chien, ils ne mettront pas en garde contre cette rébellion. C'est pour ça que min alamat sunni, parmi les distinctions du sunni avec les groupes égarés, c'est ce point essentiel. Il sait comment se comporter avec Wali l'Amr. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-bab. Il suit السلف الصالح رضي الله عنهم. قال نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد نعم لأن هذا الباب celui qui a des négligences, des manquements, encore plus si c'est une grosse partie de la communauté, ça peut faire beaucoup de mal. قال من الفساد العريض في العباد والبلاد. Si ce gouverneur il n'est plus respecté, tout ce qu'on fait, la remarque au début, tout ce qu'on va traiter dans ce livre, c'est lié au gouverneur musulman. Toutes ces règles, c'est par rapport au gouverneur musulman. Non. Enfin, si ce gouverneur musulman n'est plus respecté, son chab, le peuple, il ne lui obéit plus, ça ouvre les portes à هذا الفساد العريض. Énorme fitna, des énormes dégâts, des conséquences très très graves في العباد والبلاد. Personne ne sera épargné. Le pays lui-même et le peuple. قال والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. Et كذلك يوم القيامة. Et le fait de délaisser la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ben les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala via le bab, c'est très très grave. قال واهتم السلف بهذا الامر. Et il a cité plusieurs exemples. Avant ça, on peut citer comme base deux hadiths que l'imam muslim il a rapporté rahimahullah dans son sahih. Le premier an Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qala قلت يا رسول الله إنا كنا بالشر فجاء الله بالخير أو بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ donc حذيفة رضي الله عنه il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que après ce bien que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné avec la venue du prophète Muhammad alayhi salatu salam, avec la révélation du Coran al-Karim, est-ce qu'il y aura un mal après? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit il lui a dit hal wara al-khayr shar ila akhiri. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit n'a dit parmi le shar qala yakun ba'di a imma la yahtaduna bi huday wa la yastanuna bi sunnati wa sayaqum fihim rijal qulubuhum qulub ash-shayatin fi juthman al-ins aw ins. Parmi هذا الشر النبي صلى الله عليه وسلم il a cité que dans sa communauté أئمة des dirigeants ils viendront après lui لا يهتدون بهداي ils ne suivront pas la voie du prophète عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بالسنة ils ne suivront pas sa sunna. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك. حذيفة il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم comment faire, comment je dois faire si j'assiste à cette période. قال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع فاسمع وأطيع. النبي صلى الله عليه وسلم malgré la définition qu'il a donnée de ses dirigeants أنهم ne suivent pas la vérité, ne suivent pas la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام إلى آخره, النبي صلى الله عليه وسلم quand حذيفة lui a demandé comment je dois faire, قال تسمع وتطيع, tu écoutes et tu obéis au gouverneur. وإن ضرب ظهرك, même s'il commet des injustices, parmi ces injustices, s'il te frappe et s'il prend ton argent, tes biens, فاسمع وأطيع, écoute et obéis. Ça c'est le premier hadith. Ça nous montre أن المسألة, si on n'étudie pas ce genre de hadith qui sont authentiques, les sahih muslim, et كذلك on ne revient pas à la voie des salaf, il restera une chose, ça sera quoi? Les sentiments et les passions et la colère. بعض الناس في هذا الباب, vu qu'ils sont très très loin du ilm, de la science, des textes du Coran et de la Sunna, et ils ne les comprennent pas, ils ne les étudient pas, ils ne reviennent pas aux savants pour comprendre, et ils se comportent via le peuple qu'avec les sentiments. Et vu que c'est l'état de la plupart des gens aujourd'hui, tu trouves un nahum, si tu leur dis hada, même si tu dis le nom du prophète Mohammed alayhi salatu salam, pour certains c'est énorme hada. Kif, je patiente même s'il prend mon argent et même s'il me frappe. C'est كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل الأهواء من الإخوان وغيرهم يحاولون تضعيف الحديث. Ils essayent de rendre ce hadith faible. لماذا؟ لأنه c'est une hujja صريحة قوية. Le deuxième hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم والشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce deuxième hadith, il a cité deux catégories de dirigeants. Vous avez remarqué que dans les textes, ils sont appelés a'imma, des imams. Les imams, c'est quoi? C'est des guides. Des guides qui dirigent les autres. Kadhalik, ils sont appelés umara, amir. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ces deux catégories. Une partie qui sont aimés. Ils aiment leur peuple, ils les aiment. Une autre partie qui sont détestés et eux-mêmes, ils détestent leur peuple. Faqila, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah. Afala nunabidhum bis-sayf. Donc ils ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on doit se débarrasser d'eux en se rebellant avec les armes? Vu qu'on les déteste, ils nous détestent. Qala alayhi salatu salam la ma aqamu fikum as-salat. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit tant qu'ils font as-salat. Wa'ad al-ulama wa minhum Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, il a cité ce hadith pour montrer à celui qui délaisse as-salat, c'est pas un musulman. Limadha li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit la rébellion contre le gouverneur musulman. Et via ce hadith, il a démontré alayhi salatu wassalam que le musulman c'est celui qui fait as-salat. Avec les autres preuves, tu comprends à celui qui fait pas as-salat, fa waqa fi al-kufr. Wa hadha taqaddam ma'ana. Fa 'ala kulli hal, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la ma aqamu fikum as-salat. Donc on a cette règle qui est fondé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhrajahu l'imam muslim, en attendant que c'est un musulman, même s'il fait du mal, même s'il est injuste, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié, yahtadouna bi ghayri hadi wa yastanoun bi ghayri sunnati, et dans le deuxième hadith, qala wa shirar a'immatikum, il les a qualifiés de shirar, shirar c'est le mal. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم quand ils nous demandent est-ce qu'on se rebelle, قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة, tant qu'ils font الصلاة, tant que c'est des musulmans, on n'a pas le droit de se rebeller. قال عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا, كذلك النبي صلى الله عليه وسلم les a appelés ولا, الولاة, الولاة c'est le pluriel de ولي, ولي الأمر, et celui qui détient le commandement, le gouverneur. قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فكرهوا عمله. Si vous voyez une chose chez ce gouverneur que vous détestez, il fait du haram, boire de l'alcool, faire telle chose, ça nous montre, est-ce qu'ils comprennent amla, ils pensent que as-sunni, as-salavi, quand il rapporte la parole des savants de la sunna, al-ijma, l'unanimité, l'imam Nawawi, il a rapporté sur l'obéissance du gouverneur, il pense que as-sunni, il est d'accord et il accepte ces choses mauvaises, ou ces péchés qui peuvent être commis. Abadan, là, il y a une différence entre ne pas accepter, détester et se rebeller. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la différence. Wa kathirun min an-nas, ils n'ont pas fait cette différence, fanharafu. Ils ont pensé que si tu n'es pas d'accord, tu dois te rebeller. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré qu'on ne doit pas accepter le haram. Ben, on ne doit pas le obéir fi le haram. La ta'a li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq, innama ta'a fi al-ma'rouf. Hakada qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'obéissance, c'est dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Lakin, est-ce que ça implique que si on déteste une chose qu'ils font, un péché, et on n'est pas d'accord, est-ce que ça implique qu'on n'obéit plus? Abadan. Isma' qal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an takrahuna fa akrihu 'amala wa la tunazi'u yadan min ta'a. An-Nabi sallam, il nous a encouragé à ne pas accepter le munkar. C'est un péché, que ce soit un amir, un dirigeant, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, que ce soit un proche. Un péché, c'est un péché. Et on ne doit pas accepter le péché. Lakin avec l'amir, avec le gouverneur, vu que c'est un gouverneur, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa la tunazi'u yadan min ta'a. Lakin, n'appelez pas à la désobéissance. Et ma'ahada, on doit lui obéir dans tout ce qui est lié à son autorité. Bien sûr, tant que ce n'est pas du haram. Fala yajouz, le premier hadith, on n'a pas le droit de se rebeller. On le répète. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Et dans le deuxième, kadhalik tu obéis. Al-ulama, ils se sont basés sur hada. Amma ahlul ahwa min al-khawarij wa al-takfiriyin wa al-ikhwan. À notre époque, wallah, ils se basent que sur at-dunya. Leur but, c'est Al-Kursi, c'est Al-Dunya. Et dans certains pays, Al-Ikhwan, ils ont fait des révoltes quand ils ont eu le pouvoir. Toutes les promesses qu'ils ont fait, c'est pour le din, on va appliquer la sharia. On n'a jamais rien vu. Ça montre qu'Anna, ils ont délaissé la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et leur soi-disant combat pour Ad-Din, wallahi annahu, c'est pour eux-mêmes. C'est pour ça que min afjar an-nas wa akhbath an-nas, à notre époque, c'est haoula al-khawarij al-tullal al-ikhwan. Ils font beaucoup de mal et ils ont délaissé la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, fa Allah fi fahm manhaj as-salaf as-salih fi at-ta'amul ma'a as-sultan. نصيحة من هذا الإمام هذا الإمام كي إما لا كومينوتي كي يقول الخير فالله الله يدوني دو لامبورتانس في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان دوني دو لامبورتانس pour comprendre comment السلف se comportait avec السلطان. On a plusieurs mots, on répète, on a الأمير, on a الولي, on a الإمام, on a السلطان. Tout ça, c'est des mots pour désigner Al-Hakim, le gouverneur. قال وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس. Et on fait attention de ne pas utiliser les erreurs du sultan, du gouverneur, ses péchés, pour appeler les gens à la rébellion. Pas parce qu'on accepte les péchés, كما يظن بعض السبهاء من الإخوان المفلسين. أبدا. لا لأن العلماء en se basant sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix des salafs, ils ont compris une chose essentielle. On n'a pas le droit d'ouvrir une porte de mal sur la communauté. Se rebeller sur ce gouverneur, même s'il fait des péchés, même s'il a délaissé certaines choses importantes. Et là, après, ça ouvre une énorme porte de mal. Et le mal, il reviendra sur les musulmans. قال فهذا عين المفسدة. C'est un mal clair. وأحد الأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس. Et c'est une cause de fitna entre les gens. Et on le répète, ce qui s'est passé à ce qu'ils appellent le printemps arabe. En fait, c'est ثورة الإخوان المسلمين contre ولاة أمور المسلمين الشعوب. On voit ce que ça a fait dans plusieurs pays jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient écouté, non, sans ulama, ils auraient préservé leur dîn, ils auraient préservé al-arwah. Combien de morts, combien de blessés, combien d'orphelins, combien de veuves. Tout ça, les malades, les anoum, ils ont négligé la voix des salaf. Donc pour l'instant, on a un point important, ya ikhwan. Anna hadhi al-mas'ala, c'est pas avec l'ara. C'est pas mon avis qui est important, c'est pas ton avis, c'est pas l'avis d'un tel. Hadhi al-mas'ala, elle est fondée sur les textes. Qala Allah, qala Rasoul. الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي من المسلمين من المسلمين comme c'est cité dans le hadith qu'on a cité. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة tant qu'ils font الصلاة. Et dans le verset منكم أي من المسلمين. Donc si c'est un gouvernant musulman, on doit lui obéir في طاعة الله عز وجل, même si il désobéit à Allah Azza wa Jalla et à son messager alayhi salatu wasalam, on ne lui obéit pas. Maintenant, il nous dit de faire du haram, boire de l'alcool, on ne boit pas de l'alcool. Lakin, est-ce qu'on se rebelle ? Abadan. Limadha li anna an-nabi sallallahu alayhi wasalam, il a interdit la rébellion et la désobéissance contre la désobéissance qui pousse à la rébellion contre le gouverneur, même si ce gouverneur, il est injuste, il fait du mal. Hada, c'est ce qu'on va traiter inshallah ta'ala dans cette risala, plusieurs points avec plusieurs preuves min al-kitab wa sunnah, en citant bien sûr la voix des salaf inshallah ta'ala. Cheikh Abd Salam dans al-muqaddimah de mu'amalat al-hukam, donc il a cité certains exemples, on peut citer le premier. Qala as-surah al-ula, et la voix des salaf fi hada al-bab, qala at-tahdhir min al-khuruj alayhi, l'interdiction de se rebeller. Il a cité comme exemple قال مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. صحيح, هذا الإمام الله سبحانه وتعالى il l'a élevé et c'est devenu un exemple sur le comportement que, en tant que musulman, en tant que sunni, on doit avoir avec le gouverneur. Hadha al-imam, avec la science qu'il avait, le courage qu'il avait, le thabat qu'il avait, ta'ammalu, comment il s'est comporté avec le gouverneur. قال فلقد تبنى الولاء في زمنه احد المذاهب الفكريه السيئه وحمل الناس عليه بالقوه والسيف واغرقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك. À son époque, le gouverneur il a pris la décision de propager un madhhab khatir, et le fait que le Coran c'est pas la parole d'Allah azza wa jal, بل هم ils ont dit c'est une créature. Ce gouverneur, il était entouré de Mu'tazila, des égarés, Fibab al-Sifat, et ils lui ont fait croire que le Coran, ce n'était pas la parole d'Allah. Et cet imam, il a forcé le musulmane à dire cela. Et bien sûr, il s'est attaqué aux savants. L'imam, le peuple, suit les savants. Et parmi ces savants, à cette époque, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. قال وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان. Hatta, c'est devenu un programme dans Al-Katatib, c'est comme les écoles à notre époque, et pour les enfants. Alors, il leur apprenait que le Coran, c'est une créature. قال إلى غير ذلك من الطامات والعظائم ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى. C'est ça qui est important. Vu que ce imam, il a été éduqué à la sunna, et il suivait le Coran ou la sunna, il appelait le Coran ou la sunna, il a écrit des livres, dont le célèbre Musnad, c'est une des références. Il a écrit Al-Risala Usul Sunna pour montrer la voie de Ahl Sunna. Quand il a été éprouvé, il n'a pas suivi ses passions. Bel Allah subhanahu wa ta'ala thabatahu. Qala wala stayjashahu al-awatif al-awasif. Bel thabat al-sunna. Et c'est là qu'on doit faire attention. Wa'ad al-nas, quand tout va bien, masha'Allah, il suit la voie de Sunna concernant le gouverneur. Quand il y a une épreuve, maintenant, ce qui se passe en ce moment, certaines choses, certains conflits, certaines positions de certains gouverneurs, tu les trouves la ilm ou la hilm. Pas de ilm, pas de science, pas de hilm, pas de patience. Et tu les trouves, ça commence. Mais avec des choubas. Mais il a changé quand même. Mais le pays, il a changé. Et tu trouveras un kathiran min ha'oula. Et ça montre qu'ils sont manipulés par Ahl al-Bida' wal Ahwa. Ils attaquent pas n'importe quel pays. بل إذا استاك لو بي كي أبليك القرآن والسنة المملكة العربية السعودية إذا سامونت أن هؤلاء يفريكون دي موفيز بيرسون وإلا الإمام أحمد رحمه الله كونت إلى إيتي توشي باغ سيت إبخوف إلى با سويفي العواطف لي سنتيمون أبدا لماذا لأن ليكزومبل كون ا دوني سيغتان بوزيسيون سيغتان كونفلي ان نوتر إيبوك. Si le gouverneur c'est un musulman, c'est un musulman. On ne dit pas nahnu que ce qu'il fait c'est bien. Abadan. Là, lakin, si c'est un musulman, tu dois avoir un comportement. Il a fait ce péché, tout le monde est d'accord, c'est propagé, il a akhiré. Ça reste un gouverneur, comment tu dois te propager? Bardanès, ils ont mal compris. Kanahum, ils ont compris la mas'ala. Si cet imam, ce gouverneur, il a vraiment fait cette chose, on le critique. C'est pas comme ça. Là, c'est s'il a fait cette chose, c'est un musulman, tu ne le critiques pas si tu suis la voix des salafs. Tu ne critiques pas en public l'imam, il n'y a aucun profit, ça peut pousser au char, et en aucun cas on appellera à la rébellion. L'imam, quand ils lui ont demandé est-ce qu'on se rebelle, qalala. C'est pas moi, c'est pas Cheikh Intel qui a dit, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fallait l'imam Ahmed, vu qu'il connaissait ses hadiths, il en a rapporté certains, rahmatullah alayhi, quand il a été éprouvé, il se met. Qala, l'annaha khayr wa. أهدى فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير والسير السلفي سياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. يقول حنبل رحمه الله عند بخوش للإمام أحمد إلى رابورتي اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله. Al-Wathiq, c'était un des gouverneurs à cette époque qui avait forcé les gens à avoir cette aqida, aqida al-Mu'tazila. Donc, au bas de l'Fuqaha de Bagdad, la ville où l'imam Ahmed il était, la capitale de l'Irak. Donc, ils ont été voir l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Wa qalu lah, inna al-amr qad tafaqam wa fasha, ya'nuna idhar al-qawl bi khalq al-Qur'an wa ghayri dhalik. ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. Ils ont dit à l'imam Ahmed, la fitna elle s'amplifie et le gouverneur il fait telle chose. Et ils ont dit, nous on n'accepte pas ça. On n'accepte plus son autorité, que ce soit notre gouverneur. قال فنظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة. انظر الإمام quand il parle en temps de fitna, exactement comme le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a dit de détester avec nos cœurs et de ne pas se rebeller, l'imam Ahmed قال عليكم بالإنكار في قلوبكم. Mais là, c'est que dans notre cœur, on sait que le fait de dire que le Coran, c'est la parole, c'est une créature, c'est un munkar azim. Bel, c'est de la mécréance, c'est du kufr. Ma'a hadha qala wa la takhla'u yadan min ta'a. Lakin, ne vous rebellez pas. Pourquoi? Qala wa la tashuqu 'asa al-muslimin. Ne divisez pas al-muslimin. L'ana al-muslimin, l'an, c'est, à l'époque, c'était en Irak, un peuple, et ce gouverneur, al-ma'moun, ou al-wathiq. Enfin, le fait de se rebeller, il va avoir des conséquences graves. قال ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم. Et c'est ça que بعض أهل الأهواء ils ne veulent pas comprendre. أن السني quand il appelle à ne pas se rebeller, il faut regarder loin. انظروا الآن ما حصل في سوريا. ما حصل في سوريا. Est-ce que la révolte elle a apporté du bien? Qui c'est qui meurt là? C'est des musulmans. On voit ce qui s'est passé au Yémen. On voit ce qui s'est passé en Libye. On voit ce qui s'est passé en Tunisie. De l'instabilité jusqu'à aujourd'hui. Wallahi, anna, certains musulmans qui vivent dans ces pays et qui étaient au départ pour la rébellion, wallahi, anna, ba'dahum l'an, ils regrettent. Les malalénaoum, ils ont vu que du char. Al-Ikhwan al-Muslimoun, ils leur ont vendu du rêve. Faut se révolter, on va faire, on va. Wallah shay. Leur situation, elle est pire que quand ils étaient gouvernés par ce gouverneur. Pour eux, il était mauvais, il était injuste, il a akhir. En gros, celui qui ne regarde pas l'awaqib. Ça ne veut pas dire que Sunni dit que ces gouverneurs, ils étaient à la ta'at Allah, ils suivaient Sunna. Abedan, là. Lakin, si c'est un gouverneur musulman, fais attention. Bel, même si c'est un kafir, l'ulama yaqulun, wa sayati ma'ana, inshallah, même si c'est un kafir, et le fait de se rebeller contre lui, ça implique un mal plus grand. Maintenant, ce peuple, il n'a pas la force, il n'a pas la capacité de combattre ce gouverneur. Et dans ce cas, les ulémas, en se basant sur des textes, on n'a pas le droit d'enlever un munkar avec un munkar plus grand. Les malades, il y en a ceux qui vont perdre, c'est les musulmans. On patiente dans ce cas. Les malades, comme a dit l'imam Ahmed, on verra dans la fin de l'Amérique. Regardez loin. قال واصبر حتى يستريح حتى يستريح بر ويستراح من فاجر وقال ليس هذا يعني النزع أيديهم من طاعته صوابا هذا خلاف الأثر. الإمام أحمد les a conseillés بهذا. Ils ont écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que plusieurs gouverneurs ils sont morts. Al-Ma'moun, Al-Wathiq, etc. Trois gouverneurs ils sont morts. ثم الإمام أحمد il est en prison. Et cette fitna en Irak. ثم الله سبحانه وتعالى رزقهم un gouverneur qui aimait السنة المتوكل. L'imam Ahmed il a été libéré, la fitna elle a été arrêtée, alhamdulillah. Ceux qui ont perdu la vie injustement, enfin ceux qui les ont tués rendront des comptes. Ceux qui étaient emprisonnés, frappés injustement, yawm qiyama, ceux qui les ont qui ont commis des injustices rendront des comptes. La umma a été préservée, alhamdulillah. Comme a dit l'imam Ahmed, hatta yastarih bar. Al-Bar, c'est l'homme pieux, il se reposera. Ou yustarah min fajr, on sera reposé d'un fajr d'un injuste. Lakin, se rebeller et causer notre propre perte avec nos propres mains, comme ils ont fait dans le printemps arabe. Vous avez remarqué que le kuffar, c'était les spectateurs. Ils étaient farrajoun. Et les musulmans, entre eux, ils se sont entretués. Pendant un, deux ans, jusqu'à aujourd'hui dans certains bouledans. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Wala shay. Wala shay. Bel, dans certains pays, c'est encore pire. Wallahu a'lam. Hada, c'était un exemple mukhtasar. Kadalik, il a cité un kalam mufid de l'allama Cheikh Abdel Latif, Ibn Abdurrahman, Ibn Hassan, Al-Sheikh, Rahimahullah, il a montré la voie des salafs quand ils ont été éprouvés par l'Hajjaj Ibn Yusuf, Al-Thaqafi. Saffak les dîmes. Saffak. Il n'arrêtait pas de tuer. هذا ils ont patienté قتل ابن الزبير عبد الله ابن الزبير الصحابي في مكة à Mecca. Et combien d'injustices il a agréé. Ibn Omar radiallahu anhu, il était à cette époque, et d'autres compagnons, ils ne se sont pas rebellés, ils n'ont pas appelé à la révolte. Sabaro jusqu'à ce qu'il est mort et la fitna allait passer. Limada li anna enlever un munkar, si on n'a pas la capacité, ça va impliquer des conséquences très très graves. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un dhabit muhim. Tant que c'est un musulman, on n'a pas le droit de se rebeller. On doit obéir et patienter. Si c'est un kafir, ça dépend par rapport à la capacité. Voilà. Et tout ça, ça revient à Ahlul Ilm. Ahad al-Bab al-Azim. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler. Vous avez remarqué les discussions dans les cafés, dans la rue, sur Internet. Il a arrêté, quand ça parle des gouverneurs, tout le monde parle. Les petits, les grands, hommes, femmes, il a arrêté, tout le monde parle. Badness, si tu veux les énerver et qu'ils se lâchent, parle des gouverneurs. Ils ne s'arrêtent plus. L'imam al-Jahl, comme on a vu dans notre dars précédent, Sifat al-Sufaha al-Ghafilin, ils se précipitent. Ils ne retiennent pas leur langue. Khasatan fi mitl hadhihi al-masail al-azima. Thumma il a conclu. On peut retasser son kalam. قَالَ وَكُلُّ هَذَا يُؤَيِّدْ ضَرُورَةَ الْإِهْتِمَامِ بِهَذَا الْأَصْلِ الْعَقَدِ. Donc ce sujet qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah Ta'ala, concernant les gouverneurs, c'est un fondement de notre croyance. Les hadans doivent lui donner de l'importance. قَالَ وَتَرْسِيخُهُ عِنْدَ غَلَبَةِ الْجَهْلِ بِهِ أَوْ فشو الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه لا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه. شيخ عبد السلام il est mort en 1425, il y a un peu plus de 15 ans, il y a 17 ans maintenant. Et à son époque, il y avait la fitna de Al-Khawarij Al-Qaïda, qui se sont rebellés dans plusieurs pays et qui ont fait beaucoup de mal. Et là, chaque annahu kama qala, anna, ces deux choses, c'est des causes pour propager, pour que le mal il se propage très très vite. Ghalabatul jahl, l'ignorance, et kadalik fushu al-afkar al-munharifa. L'ignorance et les sectes, les groupes égarés qui propagent leurs pensées. Qal wala rayb anna az-zaman alladhi na'ishu fihi al-an yajtami' fihi al-amran. À son époque, il y a quelques années, kadalik à notre époque, mais à notre époque encore plus. قال فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Ça c'est une obligation pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné l'ilm, de montrer aux autres. Et nous à notre niveau on propage كلام أهل العلم في هذا. On a besoin encore plus à cette époque. قال فليبين للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم ثم قال ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلق له الحزبيون الإخوانيون التكفيريون الدواعش anciennement القاعدة هؤلاء ils ont des شبهات يتعلمون أنهم ils ont un نشاط كبير sur internet sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que beaucoup de jeunes ils se sont fait embrigader à cause d'un manque de science comme taqaddam et les shubuhat qui sont propagés. Parmi les shubuhat, قال كقول بعضهم من المستفيد من بيان هذا الأمر يشير أن المستفيد منه هم الولاة فقط. انظروا quand l'insan il se base pas sur les textes du Coran et de la Sunna et il se base sur les sentiments. صحيح بعضهم يدisent mais quand vous dites qu'il faut obéir au gouverneur même s'il est injuste, qui c'est qui profite de cela? C'est lui. Non, c'est lui et c'est la Oumma. C'est un musulman et le peuple c'est des musulmans et on préserve le mal pour tout le monde. Et le gouverneur, ou un de nous, s'il désobéit Allah Azza wa Jalla, il rendra des comptes yawm al-qiyam. Amma fi dunya, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré des règles à suivre. Lakin ondurul atifa. Eux ils disent que le gouverneur il en profite, nous on subit des injustices et qu'est-ce qu'ils disent là? Il faut se rebeller. Qala على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية مع أنهم ستمضي على الناس اللي كيبروفيت كذلك سي لو بوبل مثلا les révoltes qu'ils ont fait dans certains pays ils se sont rebellés contre certains gouverneurs, et certains gouverneurs, ils sont partis et les ont remplacés par d'autres. Qui c'est qui a perdu? Est-ce que c'est que le gouverneur qui a perdu sa place? Le peuple, combien de morts, combien de blessés, combien d'orphelins, combien de maisons détruites? Wallah, ha'oula, leur but, ils ne pensent pas au peuple, comme ils essayent de faire croire. Wallah, s'ils ont une place et ils ont eu des places, ils feront Obama pire que ce gouverneur qu'ils ont chassé. قال ومن الشبه ايضا قول بعضهم ان الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته. بعضهم يقولون le fait d'appeler à obéir au gouverneur, c'est pas valable à notre époque. Pourquoi? C'est quoi la différence entre notre époque et l'époque avant nous? C'est quoi? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les ordres qu'il a donnés, les comportements qu'il nous a cités avec le gouverneur, nous, on n'est pas concernés, les malades. On n'est pas des croyants. On ne fait pas partie de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Les malades, ils savent très bien qu'il y a des textes. Ahlul bid'a, pour écarter les gens des textes, ils utilisent deux méthodes. Emma, ils va'affent le texte. Emma, ils disent le texte, il est faible, comme ils essayent de faire avec certains textes. Emma, si le texte, il est authentique, il est sahih Bukhari, sahih Muslim, mimbab, oh là, c'est ça un verset. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent là, c'est pas le moment de citer ce texte-là. Oh, vous n'avez pas compris le texte. Ça montre le hawa. Pour comprendre le texte, il faut revenir au salaf et aux savants contemporains. Et vu que Haoula, ils ne reviennent pas au salaf et ils détestent les savants contemporains, ils se sont égarés. Qala, wa la taghtar biman yunkir wujud Haoula wa yaqul inna mawdu' inna mawdu' al-bay' wa as-sam' wa at-ta'a lam yushakkik fihi ahad fa innahu ahad rajulayn. أما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه أو جاهل لا يدري ما الناس فيه كذلك لا تلتفت إلى هذا. بعض الناس يقولون لا il y a plus de khawarij à notre époque, pourquoi vous insistez sur cela? هذا إما إما متستر, il fait partie d'eux et il veut faire le fitna. إما c'est un ignorant كما قال الشيخ أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. إما c'est un ignorant, il connaît pas la situation réelle. قال فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم. انظروا هؤلاء يتخوّي pour qui? Pour leur groupe. القاعدة pour القاعدة, داعش pour leur soi-disant état, الإخوان pour le حزب. هكذا chacun pour son حزب. ولا يتقون الله في المسلمين. أما المسلم الصالح التقي, il se soumet à Allah سبحانه وتعالى, il suit سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحزاب فهذه أحزاب ضالة منحرفة. قال وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويذعن لها ولا يجعل للهوى عليه سلطانا. هكذا celui qui veut le خير. Celui qui veut le خير dans ce chapitre ou autre. لكن ce chapitre qu'on va étudier ensemble. ونسأل الله التوفيق. Il s'écarte des passions. Il s'écarte de un tel, il a dit, mais ils ont fait. Il s'écarte de tout cela. On prend le sujet et on regarde les versets du Coran qui traitent le sujet, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiyallahu anhum, c'est eux qui ont vécu la révélation, comment ils se sont comportés. Et les savants de la Ummah, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, avant eux, كذلك, Al-Hassan al-Basri, Abdullah Mubarak, les compagnons bien sûr, كذلك, la période après, l'imam Nukathir, l'imam Nutaymiyyah, l'imam Nukayyim, كذلك, de nos jours, à Immatul Asr, الإمام لباز, الإمام الألباني, الإمام مقبل بن هادي, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? ثم الحمد لله. Et on s'écarte de l'hawa. ثم قال وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جرات تبع الهوى وتقديم العقل على النقل. تقديم العقل على النقل. La plupart de ceux qui se sont égarés في هذا الباب, c'est pour ces raisons. Les passions, bien sûr, l'ignorance, et تقديم العقل على النقل. Badana, ils fonctionnent avec l'aql. Ils disent, mais il est mauvais ce gouverneur, il est injuste, toutes les richesses du pays, il ne les donne pas au peuple, on meurt de faim, on kada. Donc pour eux, la logique, khassatan an al-kuffar, ils propagent hadith al-afkar, bel al-kuffar, ils ont l'habitude de faire ce genre de révolte dans le passé. Donc Badana, ils disent, c'est cela la solution. Tout ça, c'est un raisonnement avec l'aql. Reviens au texte. Tu verras que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé ces questions qu'on a lues. En aucun cas, il a dit rebellez-vous. C'est pour ça que les sahaba radiyallahu anhum, ils ont assisté à certaines fitan, مثلا ما يتعلق بالحجاج ابن يوسف الثقفي, ils se sont pas rebellés. Quand Ibn al-Ash'ati s'est rebellé, les sahaba plutôt A'immatu As-Sunnah, ils ne l'ont pas suivi. Même si il a suivi ou il a fait un ijtihad, c'est un ijtihad. Al-Haqq, il est fi Sunnah. الحق اللي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية ونقول سلفية إلى آخره. ثم إلى commencé le premier فصل. Et نحن إن شاء الله كذلك on commencera le premier فصل dans le درس suivant. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. Et on conseille لإخواننا الصبر والاستمرار. Les dourous, il faut de la patience. Sbiru, jour après jour. Risala après risala. Wallillahi alhamd. Vous verrez qu'avec al-ikhlas, celui qui est sincère, wa al-muthabara, et jour après jour, et s'accrocher, vous verrez, bi-idnillahi azza wa jal, qu'il y aura énormément de khayr. Naktafi bihada. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.